pas mis haut là. Ça prend 22. Ça fait 20 minutes que tu passes. Oh mais c'est un ça. Bouge plus. Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça? Sound System, la face B, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique. Welcome, bon réveil, il est 10h, c'est Jérémy Galaxy, la face B, l'émission 100% interactive avec 4 nouveaux mix rétro à découvrir. On démarre cette semaine avec DJ Antoine qui nous accompagne jusqu'au cap des 10h30. Tu restes calé Galaxy et tu profites de nos programmes directement en un clic live.galaxyfm.com. A tout à l'heure. Bon week-end. Sur Galaxy. Galaxy aussi la Face B, le concept 100% interactif avec actuellement DJ Antoine au platine de ton radio. Et cet après-midi, un rendez-vous à ne pas manquer pour la fête de la musique. Ça se passera du côté du Café de Paris, rue de Paris, à Lille, tout près de la place de l'Opéra, avec en line-up un mélange de DJ intergalactiques et des membres du portail Sound System qui prendront les platines, avec Michael, Ice, GM, MD, Manhattan, Connie, Quick, Mylox, Sacha, Ridou, Huggy Costado. Un rendez-vous à ne pas manquer, ça démarre cet après-midi à partir de 14h pour les fans de rétro, techno et électro. Plus d'informations en un clic, www.soundsystem-mix.fr. On continue en mix, en rétro, c'est le concept 100% interactif avec au platine DJ Antoine sur Galaxy. System Galaxy, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro chaque dimanche matin ou sur le live.galaxyfm.com pour profiter de nos programmes sur internet. On avait démarré notre émission tout à l'heure à 10h avec DJ Antoine. Place tout de suite au second DJ de notre matinée, c'est Stuff, le DJ intergalactique qui te propose une demi-heure de rétro pour nous accompagner jusqu'au cap de 11h. Tout à l'heure à 11h au platine, ce sera DJ Eric B. Passe d'excellents moments à l'écoute de la radio et n'hésite pas à te connecter sur le site web de l'émission www.soundsystem-mix.fr. Tu restes calé Galaxy. Sound system. System Galaxy pour le meilleur de la musique électronique. On vient de passer le cap des 11h ensemble. Tu es calé, fréquence 95.30. C'est la phase B de Sound System, le concept 100% interactif. C'est tout simple, tu m'envoies ton mix pendant la semaine via le site web de l'émission, le www.soundsystem-mix.fr. J'écoute ton mix, ça me plaît et c'est peut-être diffusé le dimanche matin entre 10h et midi, comme les mix de DJ Antoine et Sduff qu'on vient d'écouter depuis 10h ce matin. On passe au troisième DJ de cette matinée. C'est Eric B, un fidèle du concept Sound System qui nous accompagne jusqu'au cap des 11h30. On se retrouve tout à l'heure à 11h30 pour découvrir qui est le quatrième DJ de cette matinée. A tout à l'heure. We'll be right back. Galaxy, la phase B, le concept 100% interactif pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro avec actuellement Eric B au platine de ta radio. Tu n'oublies pas, cet après-midi, c'est la fête de la musique avec pas mal de rendez-vous un peu partout et notamment un rendez-vous pour les fans de techno, rétro et électro. Ça se passe sur Lille au Café de Paris, rue de Paris à Lille, tout près de la place de l'Opéra, avec en line-up à partir de 14h Michael, Ice, GM, MD, Manhattan, Connie, Quick, Mylox, Sacha, Ridou et Huggy Costado, un mélange de DJ intergalactique et de membres du portail Soundsystem qui prendront les platines pour toi. L'entrée est gratuite. Plus d'informations en un clic www.soundsystem-mix.fr. On continue en mix en rétro avec la suite du mix d'Eric B. À tout à l'heure. Soundsystem, Soundsystem, Soundsystem, Soundsystem. C'était Eric B à l'instant pour un mix 100% rétro. Un petit clin d'œil à tous ceux qui profitent de nos programmes en direct sur internet live.galaxyfm.com et qui réagissent également en direct sur Facebook notamment. Il y a par exemple Mouadib, Jérôme Doré, Ryan Nocil, un petit bonjour aussi à James de Caboter, Cédric, Thomas Delbassé, Brice Verger, Laurent Delbar, Anissa Tiesta, Kevin Ostrat, Hervé Dewailly, Frédéric, Chico Rasson et puis plein d'autres. Tu fais comme eux, tu te connectes sur Facebook ou sur le site web de l'émission www.soundsystem-mix.fr et tu m'envoies plein de messages sympas pendant l'émission. On continue en musique, en mix et en rétro avec le dernier DJ de cette matinée. C'est Djibo qui s'y colle aux platines de Galaxy jusqu'à midi. A tout à l'heure. System Galaxy, la phase B, le concept 100% interactif avec JBO pour un mix 100% rétro. Il est 11h45, un petit break, le temps de te parler de la fête de la musique. Ça démarre tout à l'heure avec un moment à ne pas manquer, un moment rétro, techno et électro. Ça se déroulera du côté du Café de Paris, rue de Paris, à Lille, tout près de la place de l'Opéra, avec en line-up un mélange de DJ intergalactiques et de membres du portail Sound System. Il y aura à partir de 14h Michael, Ice, GM, MD, Manhattan, Connie, Quick, Mylox, Sacha, Ridou et Guy Costado. Plus d'informations sur cet après-midi musical et rétro directement en un clic, www.soundsystem-mix.fr. On continue le mix avec JBO encore pendant un quart d'heure. Sound System, Sound System, Sound System. Sound System Galaxy, la phase B, on s'approche du cap des midi. L'émission se termine dans quelques minutes. Merci aux 4 DJ de cette matinée qui t'ont fait découvrir leur mix rétro. On avait démarré notre émission tout à l'heure à 10h avec DJ Antoine, suivi à 10h30 de Sduff. À partir de 11h, c'était Eric B. Depuis 11h30, c'est Jibo qui s'y colle aux platines de Galaxy encore pendant quelques minutes. On se retrouve la semaine prochaine pour deux autres Sound System. Le samedi entre 8h et 10h, la face A de Sound System avec moi-même aux platines. Et le lendemain, le dimanche entre 10h et midi, le concept 100% interactif. Vous m'envoyez vos mix pendant la semaine directement en un clic sur le www.soundsystem-mix.fr. J'écoute, ça me plaît, c'est diffusé le dimanche entre 10h et midi, la face B de Sound System. D'ici là, tu passes d'excellents moments à l'écoute de la radio. Encore quelques minutes à passer avec Jibo. Passe un bon dimanche. Ciao. Bon week-end. Bon week-end. Sur Galaxy.